Chapitre 9. Bilan. La comparaison. Exercice 8. Aujourd'hui, promotion spéciale. Venez nous voir au rayon vêtements. Vous découvrirez les modèles les plus récents de la saison d'hiver. Les manteaux les plus confortables, les accessoires les plus pratiques et les moins fragiles, le design avec le plus d'originalité. Pour vous satisfaire le mieux possible, nous vous offrons une garantie. Vous trouverez la meilleure qualité au meilleur prix.